potes, bosser dans le bad cat, toujours les mêmes potes. Si tu veux faire des affaires, on parle sur Snap. Mon gars, fais pas de faute, tu vas te faire buter. Nous, on marque tous les chromes sur la vie, bloc note. Bobby s'allume un petit pétou. Fusco à la récup pour prendre le P2. J'y vais pas si elle a pas tendu la pelouse. On fait de la chimie mais on met pas la pelouse. Dans la soirée je vois des clients à gogo. Je vais des bobos qui tapent comme Lady Gaga. J'suis sur le côté droit comme mon gars GG. Le son il est hard donc je fais bouger l'ingé. J'suis dans un Clio et je rencontre le magot. T'es une cochonne comme le prénom Magali. Si t'es une putain crois moi je vais pas de galoche. Coup de j'la cité balèze comme Greg Kali. Besky, les porcs quand t'entends 22. Passe à la grande tour ça envoie le détour. La chop est chargée, nous on veut manger. Ça débite comme si c'était chez le boulanger. Tessy, mortier, peupon. Catin, tous ces bails on les retrouve dans nos sous-sols. J'suis pas muslim, j'prends pas de filet. Mais c'est moi le premier à sortir des walla. À sac dans l'auto, j'crois bien qu'on va piler. T'as qu'à mes bases et personne veut ton pilon. Logo la coche, j'ai le croco sur le pantalon. Ça fait tâche, j'suis pas bien vu dans le pentagone. J'ai pas d'argent, j'suis trop gentil pour voler. Le shit est jaune et goûtu comme de la paella. Quand y'a un bruit, vous revenez, vous êtes full up. Quand y'a un glock, vous êtes mou comme des douap. J'suis dans ma chambre, mon pote. Fin de journée, j'fais des comptes de mes sous. Elle m'a payé ça qui monte, donc j'vois son corps sans ses dessous. J'suis dans ma chambre, mon pote. Fin de journée, j'fais les comptes de mes sous. Mais m'a payé ça qui monte, donc j'vois son corps sans ses dessous. Posé dans le bac 4, toujours les mêmes potes. Si tu veux faire des affaires, on parle sur Snap. Mon gars, fais pas de faute, tu vas te faire buter. Nous, on marque tous les chromes sur la pub bloc note. Posé dans le bac 4, toujours les mêmes potes. Si tu veux faire des affaires, on parle sur Snap. Mon gars, fais pas de faute, tu vas te faire buter. Nous, on marque tous les chromes sur la pub bloc note. Dans mon cœur, tu déblaques, c'est rien, c'est la rue. J'ai su comme Kudak, c'est rien, c'est la rue. La fraîche en bas du bloc, c'est rien, c'est la rue. Belek au Hendek, c'est rien, c'est la rue. Dans mon cœur, tu déblaques, c'est rien, c'est la rue. J'ai su comme Kudak, c'est rien, c'est la rue. La fraîche en bas du bloc, c'est rien, c'est la rue. Belek au Hendek, c'est rien, c'est la rue. C'est rien, c'est la rue. C'est rien, c'est la rue. C'est rien, c'est la rue. C'est rien, c'est la rue.